rejoignons nos voix. Oh, divin cœur, qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annonce les songes. Exactly.

combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Yeah. Je parlerai de ta fidélité. Dieu, tu n'as pas changé. Je veux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour moi. Tu as fait pour moi. Je la gloire. Je me rappellerai de ta bonté. Mais je parlerai, de ta bonté. Fidélité. Fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Oh. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Allons-y l'exprimer avec la guitare, plus fort. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, déclare-le. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Parce que tu as relevé ma tête, tu t'es souvenu de moi, tu as enlevé l'opprobre. Et je parlerai de toi parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai tout haut. Tout haut, tout haut. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Que tu n'as jamais délaissé celui qui se confie en toi. Je dirai que tu es le Dieu fidèle et que ton amour ne finit pas. Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin pour moi. Je ne me plaindrai pas, Seigneur, mais je te ferai confiance. Oh, pendant les nuits, pendant le jour, je parlerai de toi, Seigneur. Oh, j'annoncerai ta bonté. J'annoncerai ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi en prison ceux des nations. Je dirai que tu es le Dieu vivant. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom, Jésus. La gloire de ton merveilleux nom, Jésus. Ce nom qui m'a sauvé de la mort. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, du nom de Jésus. Je parlerai de ce nom. Je proclamerai ce nom qui délivre les captifs. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. reçois la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous sommes nés pour te louer. Ce chant est pour toi. Reçois nos cœurs, Seigneur Jésus. Je suis fait. Jésus, Jésus, sois notre roi.